Si vous en êtes rendu là, très honnêtement, je vois mal par quel miracle je pourrais accoucher d'une théorie meilleure que la vôtre.